Sainte Bible selon saint Jérôme, livre d'Isaïe, chapitre 45. Voici ce que dit le Seigneur à mon Christ Cyrus, que j'ai pris par la droite afin d'assujettir devant sa face les nations, de faire tourner le dos au roi et d'ouvrir devant lui les portes des maisons, et les portes des villes ne seront pas fermées. Moi j'irai devant lui, j'humilierai les glorieux de la terre, je briserai les portes d'airain, et je romprai les barres de fer. Et je te livrerai des trésors cachés, et des richesses enfouies dans des lieux souterrains et secrets, afin que tu saches que je suis le Seigneur qui appelle ton nom, le Dieu d'Israël. À cause de Jacob mon serviteur et d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai assimilé à mon Christ, et tu ne m'as pas connu. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas davantage. Hors de moi, il n'y a pas de Dieu. Je t'ai saint et tu ne m'as pas connu. Afin qu'ils sachent, ceux qui sont du Levant et ceux qui sont de l'Occident, que hors moi, il n'y en a pas. Je suis le Seigneur et il n'y en a pas d'autre. Formant la lumière et créant les ténèbres, faisant la paix et créant les maux, je suis le Seigneur, faisant toutes ces choses. Cieux, versez votre rosée d'en haut, et que les nuées pleuvent injustes. Que la terre s'ouvre, et qu'elle germe un sauveur, et que la justice naisse en même temps. Moi, le Seigneur, je l'ai créé. Malheur à qui dispute contre celui qui l'a fait, à l'homme tête de terre de Samos. Est-ce que l'argile dira à son potier, que fais-tu? Et ton ouvrage est sans main. Malheur à celui qui dit à un père, pourquoi engendres-tu? Et à une femme, pourquoi enfantes-tu? Voici ce que dit le Seigneur, le Saint d'Israël, celui qui l'a formé. Interrogez-moi sur les choses à venir, sur mes fils et sur l'œuvre de mes mains. Donnez-moi vos ordres. C'est moi qui ai fait la terre, et moi qui ai créé l'homme sur la terre. Mes mains ont étendu les cieux, et à toute leur milice j'ai donné mes ordres. C'est moi qui l'ai suscité pour la justice, et toutes ses voies je les dirigerai. Lui-même bâtira ma cité, il renverra mes captifs sans rançon ni présent, dit le Seigneur, Dieu des armées. Voici ce que dit le Seigneur. Le travail de l'Égypte, le commerce de l'Éthiopien et les Sabéens, hommes d'une haute taille, viendront vers toi et seront à toi. Ils marcheront derrière toi, et ils s'avanceront les fers aux mains. Ils se prosterneront devant toi, et ils te supplieront, disant, « C'est seulement en vous qu'il y a un Dieu, et hors de vous il n'y a pas de Dieu. » Vraiment, vous êtes un Dieu caché, le Dieu d'Israël, un Sauveur. Ils ont été confondus et ont rougi tous. Tous ensemble, ils sont allés à la confusion, les fabricateurs d'erreurs. Israël a été sauvé par le Seigneur d'un salut éternel. Vous ne serez pas confondus, et vous ne rougirez pas dans les siècles des siècles. Parce que voici ce que dit le Seigneur qui a créé les cieux, le Dieu même qui a formé la terre et l'a faite, celui-là même qui l'a façonnée. Ce n'est pas en vain qu'il l'a créée, c'est afin qu'elle fût habitée qu'il l'a formée. Je suis le Seigneur, et il n'y en a point d'autre. Je n'ai pas parlé dans le secret, dans un lieu de la terre ténébreux. Je n'ai pas dit à la race de Jacob en vain, « Cherchez-moi, je suis le Seigneur, parlant justice, annonçant la droiture. » Rassemblez-vous, venez, et approchez-vous ensemble, vous qui avez été sauvés des nations. Ils sont dans l'ignorance ceux qui élèvent un bois qu'ils ont sculpté, et qui prient un Dieu qui ne sauve pas. Annoncez, venez, et consultez ensemble. Qui a fait entendre cela dès le commencement? Et dès lors l'a prédit. N'est-ce pas moi le Seigneur? Et il n'y a plus de Dieu hors moi. Un Dieu juste et qui sauve, il n'y en a pas, excepté moi. Convertissez-vous à moi et vous serez sauvés, vous tous, confins de la terre. Parce que moi je suis Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Par moi-même j'ai juré, il sortira de ma bouche une parole de justice, et elle ne reviendra pas. Que devant moi tout genou fléchira, et toute langue jurera par mon nom. Ainsi dira chacun,